CKRL 89.1. Québec. Bonsoir et bienvenue à une autre édition de Web Musique, l'émission qui se spécialise dans les musiques publiées sur Internet. Donc, je parcours les Internets pour vous. Je vous trouve plein de bonnes musiques à télécharger de façon gratuite et légale. C'est important de le préciser. Donc, cette semaine, j'avais du goût un peu de rock. Donc, on va aller dans un peu de post-rock. J'ai du post-punk aussi. Un peu de psych, un peu de space rock. Donc, des genres de trucs un peu dans ces eaux-là. J'ai parcouru la Free Music Archives. C'est un projet de la radio WFMU. Donc, un site avec énormément de musique gratuite. Un site qui est très bien fait. Donc, il y a un aspect social au site. Donc, vous pouvez commenter sur chaque album. Puis, c'est ça. Il y a vraiment énormément de matériel disponible sur la Free Music Archives. Je vous invite à aller faire un tour. Plein de trucs à télécharger. Des trucs plus anciens, plus récents, beaucoup de sets live qui ont été faits à WFMU dans les différentes émissions. Donc, un site à consulter absolument. On va débuter cette semaine avec Ending Satellites. Je vous fais entendre la pièce A Beautiful Second Before We Lose de Signal. Ensuite de ça, c'est Dias de Septiembre. C'est la pièce Lego. Donc, on écoute ces deux pièces-là à Web Music. On écoute ça tout de suite. 10, 9, 8, 7, 6. We have main engine start. 4, 3, 2, 1. And liftoff. Liftoff of the 25th space shuttle mission, and it is clear of the tower. We'll be right back. Et que ça fait du bien, c'était Dias des Septiembre, un groupe qui nous vient du Venezuela. C'était la pièce Lego. Avant ça, de la France, c'était Ending Satellites avec la pièce A Beautiful Second Before We Lose the Signal. Donc, deux groupes vraiment excellents pour débuter l'émission. Ça fait vraiment du bien. On poursuit avec E.T., la pièce Copeica. Ensuite de ça, c'est Nick Bomarito avec la pièce Better Than Way Too Post-Rock. Vous allez voir une pièce quand même assez mollo, mais qui est assez enlevante en même temps. Donc, ben c'est ça, on écoute E.T. à Web Music. Thank you. de la ville de Providence dans le Rhode Island. C'était Nick Bomarito. C'était sa pièce Better Than Way to Post Rock, donc publiée sur l'étiquette allemande 12 Rec. Un excellent album. Je vous invite à le télécharger pour trouver l'album. Donc, rendez-vous sur le site de Webmusic qui est au www.webmusic.ca. Donc, vous allez avoir le lien pour télécharger la pièce de Nick Bomarito. Avant ça, de la Russie, c'était Haiti avec la pièce Kopeika. On poursuit cette fois-ci avec Marvelry Skimmer, la pièce Beach Ball. Vous allez voir, une pièce assez étrange. Je l'adore. Ensuite de ça, c'est Blake Fleming avec ses percussions. C'est la pièce Street Corner Throwdown. Vous allez voir, deux pièces excellentes qu'on écoute tout de suite à Web Music. Beach Ball!

Vraiment excellent. Donc, c'était de Madrid, en Espagne, Luger, avec la pièce Portrait of a Distant Look. Avant ça, toujours de Luger, c'était Monkeys Everywhere. Donc, c'était publié sur deux albums différents, donc de la compagnie, publié sur la compagnie Giradiscos. Pour la suite de Web Music, on va entendre un groupe culte de l'Angleterre qui ont évolué durant les années 1977-1980. C'est Disco Zombies. Je vous fais entendre la pièce Drums Over London. Ensuite de ça, c'est Family Curse avec Julia Arment. Donc, on écoute ces deux pièces-là à Web Music. Drums over London. Vous êtes toujours à l'émission Web Musique à l'antenne de CKRL et en rediffusion sur KJUR, donc la radio du Cuesta College en Californie. Donc, on avait tout juste... Donc, on écoutait, c'était Family Curse, un groupe de Brooklyn, avec la pièce Julia Arment. J'ai mis le vidéo de cette pièce-là sur le blog de l'émission. Avant ça, c'était le groupe légendaire Disco Zombies, un groupe de l'Angleterre qui a évolué dans la fin des années 70. C'était la pièce Drums Over London. C'était publié ça sur Acute Records. On poursuit l'émission avec The Woolen Men avec donc la pièce Still Running. Ensuite de ça, c'est Yellow en Varsovia. Je me souviens plus du nom de la pièce, je vais vous donner ça tout de suite après. Donc on écoute tout de suite The Woolen Men à Web Music. Down.